o didal sa kata. Dans l'audio avec deux spies, et c'est bête de vouloir venir tester. On sait mieux faire que des spots, et à chaque transaction y'a au moins 10 pièces. On les pousse, ils nous remboursent. Pas même d'arrow pour eux tous. Y'a ceux qui se contentent des tchous, et d'autres qui t'allument pour devenir chaud. Je suis bug, c'est des causes en chair sous le porche. Je me dépêche, je me dépêche. Faut pas que les feux que approche. On détaille plus haut comme maintenant. C'est la frappe qui parle. Import, export, transac, je peux te récupérer ton bénéf 3 fois. Avant de pousser, je passe au chinois. Pour ma condense, sac, je pêche que des vins et des blocs. C'est bleu et orange dans ma sacoche. Meilleur moula, meilleur cache. Ma mission, ramener du cash. Que du cash, beaucoup de cash. Une dernière carotte et je me couche. Envoie une masse, j'en roule un autre. On resserre, moi j'en veux encore. Tu peux me voir dans le fond du set. Ou m'aura pas dans le golf cette terre. Attends, pause. Vite fait. Passe à l'épice, un peu de potion. Jack. Sois pas pressé, attendez. Avant de partir, faut que j'épice et respire pour taper. C'est nous la pire espèce. C'est comme Jean qui se rompt, cachant de caisse. Un nouveau golf. On est puissant, tellement puissant que les bêtises s'abaissent. Pour taper, suffit d'un clin d'œil. Dieu merci, j'ai buzzé d'un coup. Je suis gâté, j'ai pris tout gâteau. Pour être blindé, marche avec des blindés. Je suis toujours avec ma bande. Les mêmes crapules, les mêmes bandits. On baisse tout, donc les autres bouts. En danger, c'est l'arme de fois que je grandis. On a plus pour prolonger le périmètre. Pas de paramètres et ton pilon est périmé. Pour amour, j'ai allumé mon pyrénée. De la pure moula, non, on en reçoit par milliers. Et j'en rajoute une couche, non, c'est pas fini, pas fini. Et je suis meilleur quand je suis sous fumette. Ah, moi, j'ai interdit ces deux fumées. Maintenant, je les laisse, car ça fait booster ma sassène. Envoie une masse, j'en roule un autre. On resserre, moi, j'en veux encore. Tu peux me voir dans le fond du set. Tu dans le bec, on dit dans le sac.